En Corée du Sud, la population sud-coréenne de divers milieux livre la protestation plus intensive contre la disposition de SAD. Les formations civiles et sociales, y compris l'Action nationale contre la disposition de SAD, la Solidarité pour le progrès et la Solidarité des citadins pour une société démocratique, se sont engagés dans la lutte en prenant l'évacuation de SAD comme la plus urgente tâche de l'abolition des vices et maux, alors que les cinq grandes formations religieuses aussi ont constitué la solidarité de paix des religieux pour l'évacuation de SAD, pour s'y joindre activement. À Séoul aussi, les formations civiles et sociales et groupes religieux ont entrepris la lutte comme l'action de la paix de 10 millions contre la guerre et SAD, tandis que les personnalités du milieu littéraire ont tenu une conférence de presse au nom des écrivains attachés à la paix contre la disposition de SAD. Le journal Une Nation et le journal internet La Voix du Peuple ont présenté les éditoriaux contre les autorités militaires sud-coréennes qui ont dissimulé l'introduction supplémentaire des rampes de lancement de SAD. Par ailleurs, 102 militants de la paix internationale de divers pays du monde, notamment un ancien professeur américain aussi, ont publié une déclaration commune revendiquant la paix dans la péninsule coréenne contre la disposition de SAD pour formuler la solidarité à la lutte des Sud-Coréens.